السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous. Encore une fois, alhamdulillah, on se retrouve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour commencer le deuxième cours. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous accorder la réussite. Donc on est toujours dans l'explication de Surat Al-Fatiha, l'explication de Surat Al-Fatiha du Cheikh Al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avions commencé hier, walillah alhamd, l'introduction. Et nous avions parlé notamment du khushu'a. Donc on va revenir rapidement sur le khushu'a dans la prière. On avait dit que le khushu'a dans la prière, c'était quoi? C'était le fait que le cœur il soit présent, le fait que tu médites dans la prière, que tu ressentes que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala, que tu te rappelles et que tu ressentes la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu espères sa miséricorde, que tu crains son châtiment. Tout ça quand tu es en prière. Et cela fait partie des causes pour atteindre, pour obtenir le khushu'a. Et parmi les plus grandes asbab aussi, pour atteindre le khushu'a, il y a aussi le délaissement des péchés. Il y a aussi le délaissement des péchés. Et le fait de combattre son âme dans le délaissement des péchés. Et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela fait partie des asbab pour atteindre le khushu'a. On avait dit aussi que le khushu'a, il fallait que ton cœur soit présent, que ton cœur soit vide au sens qu'il ne soit pas préoccupé dans la prière par les choses de ce bas monde, par les délices de ce bas monde, du début de ta prière jusqu'à la fin, que tu sois concentré. On avait parlé du khushu'a. Et on avait parlé aussi de l'apaisement, de la tranquillité lors de la prière. Et ça, l'apaisement et la tranquillité lors de la prière, c'est le fait de prier avec apaisement, ne pas prier rapidement. Donc revenez, inshallah ta'ala, à cela chez les paroles des savants. Donc on revient, inshallah ta'ala, au matn, l'explication du cheikh. Donc la dernière chose qu'on avait lue, c'était le hadith. Quand le cheikh, il avait dit, cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il avait dit, la meilleure clé qui t'ouvre la porte de l'explication de la Fatiha, c'est-à-dire les plus grandes causes qui te permettent de comprendre la Fatiha, c'est le hadith d'Abu Huraira, se trouvant dans le Sahih de Muslim. Hein, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah dit, c'est un hadith qui est qudusi, un hadith divin, si on peut traduire comme ça. Donc il dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. Et à mon serviteur ce qu'il aura demandé, jusqu'à la fin du hadith. Et ce hadith, on avait dit qu'il prouvait le haut rang et l'importance énorme de cette noble sourate, sourate al-Fatiha. Et que celui qui la médite, ou celui qui médite même ce hadith, il verra l'immensité de cette sourate. L'immensité de cette sourate. et il prendra soin de la comprendre et de la méditer afin d'obtenir les fruits de cette sourate. Et bien sûr, le meilleur de ces fruits, c'est la prière. Alhamdulillah. Donc le cheikh, il continue. Il dit sa parole. فَإِذَا تَأَمَّلَ الْعَبْدُ هَذَا jusqu'à la fin de sa parole, en arabe. Donc nous, on va lire en français, inshallah. Le cheikh, il dit que le serviteur médite sur cela et qu'il sache que cette sourate est en deux moitiés. Une moitié pour Allah, c'est-à-dire 3 versets et demi pour Allah subhanahu wa ta'ala, du début de la sourate jusqu'à « C'est toi que nous adorons, seul. »« Iyyaka na'budu. » « Wa nisfun lil'abd » et l'autre moitié pour le serviteur, qui est une invocation par laquelle il invoque, il prie pour lui. Donc le cheikh, il dit ici, médite. Il dit, médite que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez bien, c'est important ici. Il dit, le cheikh, médite que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a lui enseigné. C'est-à-dire qu'il lui a enseigné cette surat al-Fatiha. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a ordonné de l'invoquer par cette prière et de la répéter dans toutes ses unités de prière. Et que par sa grâce, c'est-à-dire par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité, il a garanti, regardez le cheikh ce qu'il dit à la fin, et c'est important. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et sa générosité, il a garanti l'exaucement de cette prière, c'est-à-dire de cette invocation, surat al-Fatiha, si elle est faite avec pureté et si elle vient du cœur, c'est-à-dire que le cœur il est présent. Et à ce moment-là, tu verras ce qu'ont négligé la plupart des gens. Donc qu'est-ce qu'il veut dire le shirk par ça, par cela? C'est-à-dire qu'il mérite sur ce qu'Allah, qu'il médite, afwan, sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a octroyé, c'est-à-dire cette immense sourate. C'est un grand bienfait. Surat al-Fatiha. Et ceci fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs et de sa vaste grâce sur eux. Et cela par 5 choses. Écoutez bien ces 5 choses qui sont importantes. La première, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a divisé cette surat en lui, c'est-à-dire pour lui, afwan, et son serviteur, comme on l'a vu dans le hadith. Et cela par sa miséricorde et sa grâce. Il a légiféré pour ses serviteurs de faire la louange et le remerciement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a en cela beaucoup de bénéfices et de mérites. La deuxième chose importante, c'est de par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, et de par sa grâce envers ses serviteurs, il leur a enseigné cette immense surat et ce qu'elle contient comme invocation. Troisième chose, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné obligatoirement d'invoquer par cette invocation et il a fait de sa lecture, la lecture de surat al-Fatiha, un pilier de la prière. Mais malgré que c'est une invocation et que l'intérêt et les fruits de cette surat est pour le serviteur. C'est pour ton intérêt. Comme on va voir plus tard, inshallah ou ta'ala. Quatrième chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de répéter cette invocation, c'est-à-dire cette surat, dans chaque unité de prière obligatoire ou recommandée. Et la cinquième chose, malgré cela, malgré tout ce qu'on a, c'est-à-dire les 4 points qu'on a répétés, cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur a garanti l'acceptation, l'exaucement de cette invocation, mais selon 2 conditions comme a cité le shir. Et ceci est important, car ce n'est pas tout invocateur qui sera répondu. Ces 2 conditions sont la sincérité et la présence du cœur. Donc le shir, il dit, si tu sais cela, tu verras ce que la plupart des gens ont négligé, c'est-à-dire comme méditation et compréhension de cette sourate, et la connaissance de ses secrets et de ses sagesses. Car si le serviteur connaît les mérites et les bienfaits d'une chose, pas de doute qu'il en prend soin et il la préserve. Donc parmi les choses très importantes de la connaissance de l'explication de cette sourate, c'est le fait de savoir que beaucoup de gens l'ont négligé et que leur prière est diminuée. Beaucoup de gens l'ont négligé et que leur prière est diminuée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris soin d'apprendre l'explication de Surat al-Fatiha. Ils la récitent seulement, mais sans méditer, sans comprendre le sens. Donc le cheikh, il dit ensuite, il dit « Wa hauna أنا أذكر لك بعض معاني هذه سورة العظيمة. Je vais donc te rappeler certains sens de cette immense sourate afin que tu puisses prier avec la présence du cœur et que ton cœur connaisse le sens de ce que prononce ta langue. Ici, c'est important aussi. J'attire l'attention sur ça, barakallahu fikum. Le cheikh, il dit, car ce qui est prononcé avec la langue, sans que le cœur ne s'y attache, n'est pas compté comme une bonne action. Et il donne comme preuve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Sourate al-Fath. Ils disent de leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Et ceci fait partie de ce qu'Allah a légiféré. Certes, la lecture de cette sourate sans méditation ne fait pas partie de la religion. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a blâmé les gens du livre. Il a blâmé les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Car ils lisent sans méditer et sans réfléchir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu son livre dans quel but? Dans le lire, pour le lire, pour le comprendre et le mettre en pratique. Donc le fait de prier avec la présence de ton cœur signifie le fait de méditer et réfléchir sur cette sourate avec la présence du cœur. C'est-à-dire que tu ressentes ce que tu lis dans ta prière. La lecture, les invocations, tout ce que tu dis dans la prière, tout ce que tu entends, tu dois ressentir que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela va te faciliter à atteindre le khushu'. Et c'est pour ça que le cheikh il dit, et que ton cœur connaisse le sens de ce que prononce ta langue. C'est-à-dire que ta situation, ton état, lorsque tu pries, elle ne soit pas comme celle des hypocrites, qui disent de leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Comme le verset cité par le shir, ils disent de leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Ils parlent des hypocrites. Parce que l'hypocrite, on sait très bien que c'est quoi. Hein, c'est celui qui fait apparaître l'islam, hein, avec sa langue, mais son cœur, il n'y croit pas. Donc le shir, il dit ensuite, car ce qui est prononcé de la langue, sans que le cœur ne s'y attache, n'est pas compté comme une bonne action. Et ceci est important. Qu'Allah vous préserve. Car l'action vertueuse, la bonne action, est celle qui est prononcée par la langue et qui est confirmée et authentifiée par le cœur. Le cœur, il est présent aussi. Il y croit. Et les actes, et aussi les actes. Et ceci est la situation des gens de la foi et du tawhid et de la sincérité. Tandis que prononcer sans y croire avec le cœur, qu'Allah nous en préserve, est la situation des hypocrites. Allahu al-musta'an. Et sachez que le cheikh ici, que cette introduction, le cheikh il l'a écrit pourquoi? Ça faut bien comprendre. Il l'a écrit parce que pour se rappeler de ce qu'il va mentionner par la suite, parce qu'on est encore dans l'introduction ici. On n'a pas commencé encore l'explication de sourate al-Fatiha. Donc le cheikh, ce qu'il a donné comme introduction, c'est pour que tu te rappelles ce qu'il va mentionner par la suite comme explication de cette sourate. Et il commence par la demande de protection contre le shaytan. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une cause pour se préserver dans la prière du mal du shaytan. Et ensuite, la basmala, bismillahir rahmanir rahim. Comme va mentionner le shaykh. Et on va lire, inshallah ta'ala, sa parole. Donc le shaykh, il dit, il continue. Il dit, wa abda'u bima'na al-isti'adha. Il dit, je commence par l'explication de al-isti'adha. C'est-à-dire la demande de protection, en arabe, al-isti'adha, la demande de protection. Il dit, je commence par l'explication de l'isti'adha, puis de la basmala, bismillahir rahmanir rahim. Et ceci de manière résumée et concise. Pourquoi le cheikh il dit ça? Parce que le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il se base sur quoi? En faisant cette explication, il se base sur les tafsirs, sur l'explication des grands imams de la sunna, comme l'imam al-Tabari, et l'imam Ibn Kathir, et d'autres. Donc il se base sur cet état facile. Donc le cheikh il dit, la signification de l'invocation, de la parole, je me réfugie auprès d'Allah contre le Satan, le lapidé. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Le cheikh il dit, c'est-à-dire, je cherche refuge et protection auprès d'Allah contre le mal de cet ennemi qui est shaytan. Pourquoi? Pour qu'il ne me fasse ni de mal dans ma religion et ni dans ma vie de tous les jours. Et pour qu'il ne m'écarte pas ou qu'il ne m'éloigne pas de mes obligations, ni ne m'incite à commettre ce qu'il m'a interdit, c'est-à-dire ce qu'Allah Azzawajal m'a interdit. Pourquoi ? Car cet ennemi est le plus acharné. Le cheikh il dit, cet ennemi, le shaytan, c'est le plus acharné contre le serviteur. Lorsque ce dernier veut faire une bonne action, comme la prière, réciter le Coran, faire du dhikr, etc. Toute forme d'adoration. Le cheikh il dit, c'est pourquoi tu ne peux rien faire pour l'écarter, excepté si ce n'est demander la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il ramène un verset, le shir, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Donc, surat al-A'raf, verset 27. Et le shir, il dit, lorsque tu demandes à Allah de te protéger du shaitan, et que tu te réfugies auprès de lui, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci sera une cause, une des plus grandes causes de la présence de ton cœur, du cœur lors de ta prière, hein, et lors de la récitation de surat al-Fatiha, et lors de ta prière. Donc apprends donc, il dit le cheikh, il dit, il te donne un conseil ici, il t'oriente vers ce qui est bien. Apprends donc le sens de cette invocation, et ne la récite pas de ta langue uniquement, comme le font la plupart des gens. Et ici, barakallahu fikum, sachez mes frères que les objectifs du shaitan envers les enfants d'Adam, ils sont au nombre de trois. Ils sont au nombre de trois, comme le disent les savants. Retenez bien ce bénéfice. Premièrement, l'objectif, le but du shaitan est de faire du mal à la personne dans sa religion et dans sa dunya. Et la preuve de cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le diable vous fait craindre l'indigence, c'est-à-dire la pauvreté, et vous commande des actions honteuses, c'est-à-dire la turpitude. Donc il essaie de le nuire par tous les moyens. Il essaie de le nuire par tous les moyens. Et il fait partie de la science de la personne et de sa clairvoyance qu'il connaisse son ennemi. Qu'il connaisse son ennemi, et qu'il connaisse les moyens que son ennemi utilise pour s'en préserver. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé cela en vain. Il n'a pas laissé cela sans but. Mais il a plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala, mis en évidence tout cela dans son livre. Il l'a répété à plusieurs reprises, dans beaucoup de versets, et il l'a mis en garde. Et il a mentionné comment s'en préserver. Et ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses sunan, et dans les ahadith, na'am. Donc ça, c'est la première chose, le premier but. Le deuxième, c'est que le shaitan, il cherche à obstruer le musulman de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Il cherche à l'éloigner. Il cherche à l'éloigner des adorations. Hein? Et la première des adorations, comme on le verra plus tard, hein, dans le troisième aussi, c'est qu'il cherche à l'éloigner du tawhid en premier, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième but, c'est qu'il veut le faire tomber dans ce qu'Allah a rendu interdit. Et ceci par degrés, mes frères. Il va commencer par, donc il a des degrés. Le plus haut des degrés, il veut tout d'abord le faire tomber dans la mécréance et dans l'association, dans le shirk. Ça, c'est son premier but. S'il peut pas, car le serviteur, alhamdoulilah, il est sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il peut pas, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie ensuite dans les innovations. Il essaie de le faire tomber dans les innovations. Qu'Allah nous en préserve. Pourquoi? Parce que les innovations, c'est plus grave que les grands péchés. Et puis c'est plus aimé du shaitan que les grands péchés. Et s'il ne peut pas le faire tomber dans l'innovation, il veut le faire tomber dans les grands péchés. Et s'il ne peut pas dans les petits péchés par la suite. Et s'il ne peut pas le faire, parce que le serviteur, alhamdoulilah, il est sur la droite, yani la droiture, à ce moment-là, il essaie de faire en sorte qu'il soit préoccupé par les choses autorisées. Les choses de ce bas monde qui sont autorisées, mais ça l'éloigne afin de l'éloigner de sa religion. Regardez les ruses qu'il utilise, le shaitan. Et s'il ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Subhanallah. Il fait en sorte qu'il délaisse ce qui est meilleur. C'est-à-dire qu'il délaisse ce qui est meilleur de ce qui n'est pas meilleur. Et ceci a été cité par l'imam Ibn al-Qayyim. Revenez dans le détail, inshallah ou ta'ala. J'ai fait une traduction approximative. Hein, revenez, inshallah, c'est dans l'explication de Surat An-Nas de l'imam Ibn al-Qayyim. Pour celui qui peut revenir dessus, afin de connaître son ennemi dans le but de s'en préserver. Qu'Allah nous préserve du mal de Shaytan. Amin. Donc le cheikh, il dit, si tu demandes à Allah de te protéger du Shaytan et que tu te réfugies auprès de lui, c'est-à-dire auprès d'Allah, ceci sera une cause de la présence du cœur. Donc tu as été ordonné de demander la protection d'Allah contre Shaytan. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala envers toi. Remercie ton Seigneur. Loue ton Seigneur. Car les fruits de la demande de protection, quels sont les bénéfices, les fruits? C'est que ton cœur soit présent dans ta prière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala répondra à ton invocation. Et à la fin, les fruits de cela reviennent à toi. C'est toi qui en tires bénéfice. Et cela pour toutes les adorations, car Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-ghani, il est riche. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de cela. Ne crois pas que si tu fais le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou que tu pries, ou que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, toute forme d'adoration que tu fais, ne crois pas que tu as certes été bénéfique à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche, il n'a besoin de rien. Et il se passe largement des mondes. Et les preuves, elles sont nombreuses à ce sujet. Qu'Allah vous préserve. Et c'est pour cela que le cheikh, il dit ensuite, apprends donc le sens de cette invocation. Pourquoi? Car beaucoup de gens disent cette parole, mais ne connaissent pas le sens correct, le sens linguistique et religieux, et ils n'en tirent pas profit comme il se doit. Donc pour que tu en tires bénéfice, hein, pour que tu tires, qu'elle te soit bénéfique, il est obligatoire que tu comprennes ses sens à cette parole, et que cette parole soit dite avec la langue, mais pas seulement, aussi avec le cœur quand il te soit présent. C'est-à-dire que toi, quand tu dis Allahu Akbar, quand tu commences ta prière, Barakallahu fik, ça c'est important, quand tu commences ta prière, tu commences par dire à l'invocation d'ouverture. On est d'accord, ça fait partie de la sunna. Ensuite, qu'est-ce que tu dis? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et à ce moment-là, tu dois te concentrer. Et tu dois méditer. Et tu dois te rappeler tous les sens qu'elle a. Même si c'est pas facile, il faut faire les causes et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter. Naam. Donc le cheikh, il continue. Après avoir expliqué al-isti'adha, il dit wa amma al-basmala fa ma'naha kadha wa kadha. Donc le cheikh, il dit, quant à la basmala, elle signifie. Donc la basmala, c'est quoi? De dire bismillah ar-rahman ar-rahim. Hein, ou bismillah. Donc elle signifie, le cheikh, il dit, j'entreprends cette affaire, c'est-à-dire comme une récitation par exemple, ou une invocation ou autre, au nom d'Allah, bismillah, la bi hawli wa la bi quwwati, et non pas par ma force et par mon pouvoir. Ça c'est important. Mais je fais cela, le cheikh il dit, mais je fais cela en demandant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en demandant la bénédiction, hein, par ses noms les plus beaux, qu'il soit glorifié Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est valable pour toute chose, le cheikh il dit. Et ceci est valable pour toute chose. C'est-à-dire qu'il faut mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au début de toute affaire, qu'elle soit religieuse ou mondaine, le cheikh il dit. Ça c'est important. Combien de fois on oublie de dire bismillah, alors qu'elle a toute son importance. Tu demandes l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit le cheikh, et lorsque ton âme sera consciente que tu entreprends la récitation du Coran en ayant imploré l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune force venant de toi, le cheikh il dit, ceci sera le plus grand facteur, ou ça sera la plus grande cause de la présence de ton cœur. Et cela écartera toute entrave au bien. Donc la basmala, le fait de dire bismillah ar-rahman ar-rahim, donc pour résumer rapidement, hein, c'est dans le but de solliciter l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il y a une chose importante, c'est que cette phrase bismillah, elle contient une action, comme on a mentionné, qui n'est pas mentionnée. C'est-à-dire, c'est comme si tu disais au nom d'Allah, je sollicite l'aide, ou comme si tu disais au nom d'Allah, je cherche à me protéger. Et ici, en fait, quand tu dis bismillah, le ism ici, hein, ou donc le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le mot plutôt, il est au singulier ici et il a un rapport d'annexion, hein, c'est comme si que tu disais en fait ça englobait tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si que tu disais je cherche là l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction par tous ses noms, par tous ses noms, étant donné qu'ils sont tous bénis, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka smu rabbika dhil jalali wal ikram. Béni est le nom de ton Seigneur, doué de majesté et de générosité. Après, on expliquera, inshallah ta'ala, par la suite, le mot Allah. Donc, quand tu dis bismillah, on reviendra, inshallah, le cheikh, il en parlera après. Barakallahu fikum. Le cheikh, il continue, il dit, l'explication de cette sourate. Il dit, le cheikh, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit que ce sont deux noms dérivés de la miséricorde, mais l'un a un sens plus large que l'autre. C'est-à-dire Ar-Rahman, il a un sens plus large que l'autre. Comme lorsque tu dis Al-Alim, ou plutôt Al-Allam et Al-Alim. Al-Allam, hein, il a une plus forte... un sens plus fort, plus large. Et il rapporte une parole d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, il dit, ce sont deux noms qui sont du même sens, mais l'un est plus large et plus profond que l'autre. C'est-à-dire, l'un contient plus de miséricorde hein, que l'autre. Donc, Ar-Rahman, qu'on va traduire par le tout miséricordieux, c'est un des deux noms qui font partie des noms d'Allah. Et Ar-Rahma, c'est un de ses attributs, la miséricorde. À savoir que chaque nom, barakallahu fikum, parmi les noms d'Allah, contient un de ses attributs. Donc la différence entre les deux noms, il réside dans le fait que Ar-Rahman, il désigne celui qui est doué de l'immense miséricorde. Celle qui parvient à l'ensemble des créatures. À l'ensemble des créatures, qu'ils soient musulmans ou pas. Hein? Quant à Ar-Rahim, c'est un nom dont la portée est spécifique aux croyants. Elle est spécifique aux croyants. Donc c'est pour ça qu'Ar-Rahman c'est plus vaste. Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa kana bil mu'minina rahima, et il est très miséricordieux envers les croyants. Donc ça c'est la preuve. Donc ça c'est ce qui concerne Ar-Rahman, Ar-Rahim. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur cela inshallah ta'ala, mais revenez au tafsir comme on a dit, c'est important de savoir beaucoup de bénéfices à ce sujet. Le cheikh il continue. Il dit وَأَمَّا الْفَاتِحَةِ فَهِيَ سَبْعُ آيَاتٍ. La Fatiha est composée de 7 versets. La moitié pour Allah, c'est-à-dire 3,5 pour Allah, et l'autre moitié, c'est-à-dire 3,5 pour le serviteur. Il dit le shir, le début de cette sourate est أَلْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc comme on a vu au début le hadith de Abu Huraira, le hadith Qudsi, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai divisé hein, la prière, c'est-à-dire la sourate al-Fatiha en deux. Et donc le cheikh ici, on voit bien qu'il voit, il est l'avis de que le basmala, elle ne fait pas partie de sourate al-Fatiha. Je ne sais pas si on l'avait mentionné, mais il y a une divergence à ce sujet. Mais la plupart des ulama voient que la basmala ne fait pas partie de sourate al-Fatiha. Pourquoi? Parce que ici, dans le hadith, hein, c'est bien, donc 7, donc 3,5. Il y a beaucoup d'autres choses à dire à ce sujet, mais on va pas rentrer dans le détail. Donc le cheikh, il dit ensuite, فَعْلَمْ أَنَّ الْحَمْدَ هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانَ عَلَى الْجَمِيلِ الْإِخْتِيَارِ, jusqu'à la fin de sa parole. Le cheikh, il dit, sache que la louange, donc il va expliquer, donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On est rendu ici au verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange ou toutes les louanges appartiennent seules à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers ou le Seigneur des mondes. Donc le cheikh il dit que la louange elle signifie l'éloge fait par la langue. Elle signifie l'éloge fait par la langue envers une faveur faite par choix. Donc le cheikh ça il va parler un peu dans le détail dans ce qui concerne la différence entre la louange al-hamd et ce qui concerne aussi al-shukr. On va pas trop rentrer dans le détail, inshallah ta'ala, parce que c'est un peu compliqué à traduire en français, je vous avoue. Et pour celui qui veut revenir en arabe, c'est très très bénéfique, inshallah ta'ala. Donc ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est que la différence entre le shir, il dit que la différence entre la louange, c'est-à-dire alhamd, et ash-shukr, c'est qu'il dit que la louange, elle englobe l'éloge, hein, elle englobe l'éloge et la reconnaissance, ou plutôt l'éloge, et comment on pourrait traduire ici, elle contient l'éloge et le compliment, hein, d'une personne en évoquant ses mérites. Hein, elle englobe l'éloge et le compliment d'une personne en évoquant ses mérites. Que cela soit à cause d'une bienfaisance envers celui qui loue ou non. Alors que le remerciement, le shukr, il ne se fait qu'envers la gentillesse de celui qu'on remercie. Donc de ce fait, le cheikh il dit, la louange est plus large que le remerciement. Donc la louange, alhamd, il est plus large que ash-shukr, le remerciement. Pourquoi ? Car cela se fait tant envers les mérites que les bienfaisances. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est important de savoir ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu dis alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala est loué pour ses noms les plus beaux, ainsi pour que ce qu'il a créé à la fin et au commencement. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le cheikh il rapporte un verset, louange à Allah, on va le lire en arabe, alhamdulillah alladhi lam yattakhidh walada. Et il dit ensuite, qala alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, louange à Allah qui ne s'est pas donné de fils. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, louange à Allah qui créa les cieux et la terre. Donc le cheikh il dit, quant au remerciement, il ne se fait qu'en faveur ou qu'envers une faveur. C'est donc plus spécifique que la louange sous cet aspect. Mais il peut être fait du cœur, de la langue ou de la main. Donc ici, la différence aussi entre la louange et la reconnaissance, le shukr, écoutez bien, c'est que alhamd, il se fait avec la langue et avec le cœur seulement. Il se fait avec la langue et avec le cœur. Mais le shukr, c'est-à-dire le remerciement, la gratitude, ici, il se fait avec trois choses. Avec la langue, avec le cœur et avec les membres. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, « I'amalou ala Daoud ashukra »« Ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude. » Donc là, on voit bien que la louange, elle, sous cet aspect, le remerciement, il est plus large que la louange. Et que le remerciement, naam, par rapport aux différentes formes, comme on a cité. Wallahu a'lam. Le cheikh, il continue, il dit « Alhamdu ». Donc, « Al-alif wal-lam fi qawlihi alhamd lil-istighraq ». Il dit la raison pour laquelle la louange, elle est définie par l'al, c'est-à-dire en arabe, c'est « Alhamdu ». Al, le « alif-lam » ici, « al », ça signifie, c'est un article défini qui signifie « la », « le ». Quand tu dis, par exemple, « al-bayt », c'est « la maison ». D'accord ? Donc ici, il dit, le cheikh, c'est pour dire que toutes les louanges ou toute forme de louange est exclusif pour Allah subhanahu wa ta'ala, n'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre, il dit le cheikh. Ça c'est important quand tu récites la Fatiha et tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu comprends ce que tu dis. C'est pas seulement la louange, c'est pas une louange, c'est toutes les louanges ici. D'accord ? Donc ici, le cheikh il dit, ce n'est pas difficile à concevoir pour ce qui concerne la création de l'homme, hein, de l'audition ou de la vue, ou du ciel et de la terre, ainsi que la subsistance. Il dit, le cheikh, c'est évident que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut être loué pour cela. Seul Allah subhanahu wa ta'ala peut être loué pour cela. Mais pour ce qui est des choses pour lesquelles on loue une créature, comme lorsqu'on fait l'éloge des pieux par exemple, ou des prophètes ou des messagers, ou d'un bienfaiteur, surtout lorsque c'est envers toi qu'il est bon, alors tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le sens, le cheikh dit, dans le sens où c'est lui qui a créé cette personne. C'est-à-dire que même si la personne elle est louée pour ce qu'il a fait, etc., en vérité, c'est tu loues Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Pourquoi ? Parce que le cheikh il dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a accordé à cette personne ce bien qu'il t'a fait. Et qu'il a augmenté son amour envers lui. Et d'autres grâces encore, sans lesquelles cette personne n'aurait jamais pu être louée pour ce qu'elle a fait. Donc de ce fait, le cheikh il dit, hein, il dit que la louange ou toutes les louanges ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Donc ici, la louange, ici, elle correspond aux éloges qui sont adressés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est donc loué dans le sens où ces éloges sont faits par la mention de ses noms, de ses attributs et de ses actes. Donc là, retenez bien que l'article défini, elle, c'est-à-dire là, la louange, indique que c'est l'ensemble des types de louanges qui est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il les possède et il les mérite. Ainsi, nul ne mérite la louange absolue hormis Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shirk ici nous donne une leçon de tawhid. Il nous éduque, il nous enseigne le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers surat al-Fatiha. Naam. Donc toutes les louanges, nul ne mérite la louange absolue hormis Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné que c'est lui seul qui dans l'absolu accorde les bienfaits. D'accord ? Donc ça c'est important de bien comprendre ceci. Le shirk il continue. Il dit ensuite وَأَمَّا قَوْلُهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاللَّهُ عَلَمْ عَلَى رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَلَى jusqu'à la fin de sa parole. Donc le shirk il dit, il va expliquer maintenant لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. On a expliqué الْحَمْدُ لِلَّهِ, donc là il va expliquer لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Il dit le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala ici est le nom de notre Seigneur, le Très-Haut, qu'il soit glorifié. Et ce nom, il dit, il signifie la divinité, al-ilah. Il signifie al-divinité, al-ilah, la divinité. Al-ma'boud, al-ma'boud, celui qui mérite l'adoration. Celui qui mérite l'adoration. Donc, le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il ramène un verset, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ou qal, on va le lire en arabe, « وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ » Surat al-An'am. Le cheikh, il dit, il ramène la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la traduction approximative, « Il est Allah dans les cieux et sur la terre. » Il est Allah dans les cieux et sur la terre. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh ? Cela veut dire, écoutez bien, c'est important, « Il est celui qui est adoré dans les cieux et celui qui est adoré sur terre. » Quand tu lis la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est dans les cieux et sur la terre, ne pas comprendre que la signification est que et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est dans les cieux et sur la terre. Non, la croyance des gens de la sunna c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est élevé au-dessus de son trône. Mais le sens de cela, comme l'a précisé le shir, et cela fait partie de sa précision dans sa clairvoyance et dans sa science, il dit le sens est qu'il est le seul qui mérite d'être adoré dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux par les anges. Et sur la terre, par les hommes et les djinns, etc. D'accord ? Donc ça, c'est important de savoir. Et il ramène un autre verset. Il dit « In kullu man fis samawati wal ard illa ati ar-rahmanu abda » Il n'y a aucune créature dans les cieux et sur la terre qui ne se présentera pas devant le très miséricordieux en humble serviteur. Donc ici, pareil. Et il dit ensuite « Ar-Rabb » Le Seigneur, Lillahi Rabbil Alamin, Ar-Rabb, le Seigneur. Il dit que cela signifie le maître ou le roi qui dirige toute chose. Celui qui dirige toute chose. D'accord ? Et Ar-Rabb, en vérité aussi, on peut dire que c'est le Murabbi. Comme il a dit Cheikh Saadi dans son explication, il dit que c'est celui qui éduque, c'est-à-dire tous les êtres vivants, en les créant. Et en leur préparant des moyens et en leur octroyant des grands bienfaits, que s'ils les perdent, il ne leur serait possible de rester en vie. Donc tout ce qu'ils ont comme bienfait, cela provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il continue, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, Rabbil Alamin, il va expliquer Al-Alamin, il dit que c'est un nom désignant toute autre chose autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit un ange, un prophète, un djinn, etc. Tous, ils sont sous la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dominés et dirigés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils dépendent de lui. Tous ont besoin de lui. Et tous se tournent vers lui. Seul. Il n'a aucun associé dans cela. Il n'a besoin de rien. Et toute chose a besoin de lui. Car le shirk, il a utilisé en arabe que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Ghani As-Samad. Al-Ghani, on a dit celui qui est riche, celui qui se passe des mondes. Il n'a besoin de personne. Et As-Samad, c'est que toutes les personnes ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il continue, il dit, il va expliquer maintenant, donc on aurait pu rajouter quelques bénéfices sur le mot Ar-Rabb. Hein, donc Ar-Rabb, il peut être assigné qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, on ne peut lui attribuer qu'en l'année. C'est-à-dire que si on l'adresse à quelqu'un, le mot Rabb, c'est que il doit être annexé. Par exemple, en arabe, quand tu dis Rabbu al-Bayt, c'est-à-dire c'est le propriétaire de la maison. À ce moment-là, tu peux l'utiliser. Mais Ar-Rabb, tout seul, il est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. En aucun cas, il est permis de l'attribuer à autre que lui. Le cheikh, il dit ensuite Malik yawmiddin. Malik yawmiddin. Fadhakara fi awwal hadhihi surah allati hiya awwal mushaf al-uluhiyya wal-rububiyya wal-mulk. Le cheikh, il dit le maître du jour du jugement, de la rétribution, ou le roi. Il dit le cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala a donc mentionné dans la première sourate du Coran, et retenez bien parce que c'est une faïda qui est importante dans la compréhension de sourate al-Fatiha, pour que tu sois concentré, que tu aies le khushu', que ton cœur soit présent. Il faut comprendre ces choses-là. Le cheikh ici, il nous donne des leçons sur tawhid. Il nous enseigne le tawhid, barakallahu fikum. Il dit, le cheikh, Allah a donc mentionné dans la première sourate du Coran sa divinité, sa seigneurie et sa royauté. Donc la divinité, la seigneurie et la royauté. D'accord ? Donc les différents types de tawhid. Comme il le fit dans sa dernière sourate. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. Dis, je recherche refuge auprès des seigneurs des hommes. Hein? Tawhid al-Rububiyya. Le roi des hommes. Tawhid al-Asma wa sifat. Des noms et des attributs. Et le dieu des hommes. La divinité des hommes qui mérite l'adoration. Donc ça, c'est l'Uluhiyya. Tawhid de l'adoration. Donc le cheikh, il dit, et il continue, il dit, ce sont donc trois descriptions de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il mentionna tous ensemble, donc les trois types, tous ensemble, au même endroit du début du Coran. C'est-à-dire quand tu commences à lire le Coran, ou quand tu commences ta prière, surat al-Fatiha. Comme on avait dit, les mérites de surat al-Fatiha, c'est qu'elle contient les trois types de tawhid. Donc tu commences par tawhid, subhanallah, dès que tu ouvres le Coran. Et le cheikh, il continue, il dit, et il les mentionna, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il les mentionna au même endroit, dans le dernier passage que tu entends du Coran. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Qu'est-ce que le cheikh il dit? Écoutez bien, il dit, il faudrait donc, il est indispensable que celui qui est sincère avec son âme et qui se soucie de ce passage et de s'efforcer de faire des recherches sur cela, il doit apprendre التوحيد. Il doit apprendre la science profitable. Le cheikh il dit, il doit savoir que celui qui c'est toute chose, c'est-à-dire celui qui est omniscient, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Alim et Al-Khabir, le parfaitement connaisseur, ne les a pas réunis au début et à la fin du Coran, excepté pour que les serviteurs ont fortement besoin de les connaître. Regarde la sagesse de cela. Comme on avait dit, pour chaque adoration, chaque chose, il y a une sagesse. Donc là, c'est la sagesse de cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné au début du Coran dans surat al-Fatiha, les trois types de tawhid, et à la fin dans surat al-Nas. C'est pour que, parce que la personne a un besoin fondamental de les connaître, et de connaître la différence entre ces trois descriptions. Et chacune de ces trois descriptions a un sens propre, différent de l'autre, le cheikh il dit. Il donne un exemple, c'est comme lorsque l'on dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, il est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes, et il est le meilleur des fils d'Adam. Donc là, c'est trois choses différentes. Le cheikh, il dit, chacune de ces descriptions a un sens propre différent de l'autre. Naam. Le cheikh, il continue. Il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit, إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ مَعْنَ اللَّهُ هُوَ الْإِلَهُ وَعَرَفْتَ أَنَّ الْإِلَهُ هُوَ الْمَعْبُودُ. Jusqu'à la fin de sa parole en arabe. Il dit, lorsque tu sais, que tu connais, que Allah subhanahu wa ta'ala, il signifie la divinité, et que la divinité, c'est-à-dire al-ma'boud, que al-ilah, la divinité, elle signifie Al-Ma'boud, celui qui mérite seul l'adoration. Il dit, et que donc tu n'invoques qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais d'offrande que pour lui. Tu ne fais de vœux que pour lui. C'est que tu as compris qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que tu as compris qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala. Et on revient justement à ce qu'on voulait expliquer au début, c'est que le mot Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un nom propre. Hein, à l'être légitimement divinisé et adoré. Et il fait partie des imminents noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la signification de Allah, c'est que c'est celui qui est divinisé et adoré. Et il a une racine dans la langue arabe. Aliha ya'lahu. C'est celui qui désigne ce qui est adoré. Il est donc celui qu'on adore et qui on se tourne lors du besoin. Donc là, le cheikh, il dit, subhanallah, lorsque tu l'invoques seul, sans rien lui associer, et que tu fasses d'offrande pour lui, hein, c'est-à-dire que tu fasses, par exemple, l'égorgement, hein, et que tu fasses de vœux que pour lui, c'est que tu as compris qu'il est Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est seul lui qui mérite l'adoration. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, est faux. Donc il dit, le cheikh, mais si tu invoques une créature, qu'Allah nous en préserve, il dit, si tu invoques une créature pieuse ou débauchée, hein, ou que tu lui fais une offrande ou un vœu, alors tu as prétendu que c'est elle, Allah. Car celui qui sait qu'à un seul moment de sa vie, il mit Shamsan et Tej. Donc le cheikh, il parle de différentes personnes qui étaient adorées à son époque. Hein, des hommes que les gens adoraient à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Hein? Donc il dit que celui qui sait qu'un seul moment de sa vie, il a mis Shamsan et Tej comme étant Allah, des gens qui étaient adorés en dehors d'Allah, il saura alors ce qu'ont su les fils de Bani Israël lorsqu'ils adorèrent le veau d'or. Lorsqu'ils adorèrent le veau d'or. Il nous ramène, lorsqu'ils comprirent ce qu'ils ont fait, ils furent horrifiés et ils rapportent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans Surat Al-A'raf, verset 149, et on va revenir à ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, alors attendez, je reviens, inshallah, au verset. Donc, نعم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Dans la traduction approximative, qu'est-ce qu'ils ont dit les enfants de Bani Israël? Quand ils éprouvèrent des regrets de ce qu'ils avaient fait comme shirk et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent: si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des pardons. Allahul Musta'an. Naam. Donc le cheikh, il dit, ensuite, il dit: wa amma ar-rabbu fa ma'nahu al-malik al-mutasarrif. Il dit, le cheikh, par contre, donc le Seigneur, ar-rab, il signifie le maître, c'est-à-dire le roi qui dirige toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, il est certes le possesseur de toutes choses, et il est celui qui les dirige, qui administre tout. Et il dit, c'est vrai, mais les adorateurs d'idoles que combattait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne contestaient pas cela, vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans plusieurs passages du Coran, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Yunus, verset 31, dit, c'est-à-dire, ô Muhammad, dis-leur à ses associateurs, à Quraysh, qui vous attribue de la nourriture ou la subsistance du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? Ils diront, c'est Allah. Dis-leur alors, ne le craignez-vous donc pas? Et ici, c'est ce qu'on appelle une souhaite, une question pour les blâmer. Pourquoi? Parce que les associateurs, et ça vous l'avez sûrement entendu dans le cours de notre frère Tariq, dans l'explication des quatre règles, on le retrouve ce verset. Hein, que les associateurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient le tawhid al-rububiyya, l'unicité de la seigneurie. Hein? C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, qui vous attribue la subsistance du ciel et de la terre? Qui détient lui la vue jusqu'à la fin? Ils diront, c'est Allah. Car ils reconnaissent cela. Mais, ils savent ce que ça engendre. Ils ne reconnaissent pas tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration. Pourquoi? Parce que s'ils reconnaissent le tawhid de l'adoration, ils savent très bien qu'ils devront délaisser toutes leurs idoles. Contrairement aux associateurs d'aujourd'hui. Car le shirk d'aujourd'hui, il est plus grave. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaissent même pas le tawhid al-rububiyya. Hein, ils attribuent le tawhid al-rububiyya à leurs idoles. Hein, et tawhid al-uliyya, yani encore pire. Donc ça, à revenir, inshallah ta'ala, dans l'explication des quatre règles. Inshallah, nous, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Barakallahu fikum. Mais là, le cheikh, comme à son habitude, tout au long de cet épître, il nous enseigne, il nous fait des exhortations, il nous donne des leçons sur le tawhid. Dans quel but? Barakallahu fikum, ikhwa. Dans le but que le musulman, lorsqu'il commence sa prière et qu'il récite surat al-fatiha, il se rappelle du tawhid. Il se rappelle du tawhid. Et durant toute sa vie, il se rappelle le tawhid comme on l'avait mentionné. Et inshallah ta'ala, on continuera, barakallahu fikum, la suite de cette explication qui est bénite, inshallah ta'ala, et qui est très importante et qui est très bénéfique. Donc on continuera, inshallah ta'ala, demain, et on essaiera de finir cette explication, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khayran. Wabarakallahu fikum. Et on se dit à demain, inshallah ta'ala, pour la suite à la même heure. Soyez présents, barakallahu fikum. C'est important de finir ce que tu as commencé. C'est ça qui va te permettre d'acquérir la science profitable. Hayyakumullah. Qu'Allah vous préserve. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته